chance de renaissance. Courir sur une pointe de l'infini et regarder sa vie se défiler. Chercher la réponse que la raison fuit. Étais-je né pour exister? Il n'y a pas de fin sur le pont ni de pluie. On reste seul face à sa conscience. Pas de saison, juste un début d'insomnie. Même plus la mort, c'est pas de chance. Les ponts sont des passages, mais ils sont éternels pour les anges trop frêles qui ont brûlé leurs ailes. Que cet étranger sur ce pont qui défile, il se moque, me console et pleure avec moi. Est-ce moi qui me juge à une âme imbécile d'avoir laissé le chagrin me dicter sa loi? Je regarde ma vie défiler, la fierté de ce qui m'avait fait peut-être par amour. Je regarde et lamente ces bonheurs oubliés et ces visages du passé qui ne sont d'aucun secours. Les ponts sont des passages et leurs planches n'ont rien de réel pour les anges si amers de ne pas être poussière. Est-ce qu'il y a